La vigne donne à l'Italie une supériorité si spéciale que par ce seul trésor, on peut le dire, elle emporte sur les trésors de tous les pays, même les pays à parfum. Et encore, quand la vigne est en fleur, aucune odeur n'est plus suave. Entre les Pyrénées et les Alpes, Marseille produit deux vins, dont l'un, plus épais, qu'on appelle vin de sucre, sert à relever les autres. La réputation du vin de Béziers ne s'étend pas au-delà des Gaules. Quant aux autres, que produit la Narbonnaise, on ne peut rien en dire. Les vignerons y ont établi des fabriques de cette denrée, et ils maquillent leur vin en les fumant. Et put au ciel que ce ne fut pas aussi avec des herbes et des ingrédients malfaisants. Car les négociants utilisent même l'aloès pour en altérer le goût et la couleur. Les méthodes pour garder le vin après la récolte sont très différentes selon le climat. Autour des Alpes, on le met dans des fûts de bois que l'on cercle et même on allume au fort de l'hiver des feux pour préserver le vin du gel. Dans les contrées plus tempérées, on le met dans des jarres qu'on enfonce dans le sol en tout ou en partie, selon la situation du lieu. On le protège ainsi contre le climat. Ailleurs, on le recouvre d'une toiture qui l'en défend. Un proverbe a attribué la vérité du vin, in vino veritas. En attendant, si tout se passe bien, le buveur ne voit pas le soleil se lever et vit moins longtemps. De là, cette pâleur, ses paupières pendantes, ses yeux éraillés, ses mains tremblantes qui laissent échapper les vases pleins. C'est la punition immédiate. Ce sommeil troublé par les furies, cette insomnie nocturne et, récompense suprême de l'ivrognerie, les débauches monstrueuses et le goût du mal. Le lendemain, l'haleine à l'odeur du tonneau. Tout est oublié et la mémoire est morte. C'est ce qu'ils appellent enlever la vie. Et tandis que chacun ne perd que le jour qui s'est écoulé, eux perdent aussi le lendemain, parce qu'ils sont dans un état déplorable.